Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous prenons la direction de l'Égypte ancienne avec Marie-Claude Dionne qui va revenir sur cette découverte annoncée plus tôt ce mois-ci d'une grande cavité dans la pyramide de Khéops. Alors elle va nous remettre un petit peu de contexte pour qu'on saisisse mieux la portée de cette découverte. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors oui, il y a quelques semaines, tu nous avais souligné la découverte d'une nouvelle salle à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Et là, on peut vraiment pas parler de salle en ce moment. On parle, faut que je me ravise, faut vous dire cavité. Mm-hmm. Et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. C'est une découverte par un groupe de chercheurs international sur le projet Scan Pyramids. C'est une découverte qui vaut la peine d'être explorée, d'être regardée ce soir, entre autres parce que plusieurs chercheurs de l'Université Laval, donc de notre université ici à Québec, qui font partie de ce projet qui existe depuis peu. On parle de 2015, mm-hmm. mais qui est déjà fort prometteur avec cette découverte-là. Oui, donc le nom du projet parle de lui-même, Scan Pyramids, mm-hmm. mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Oui, en effet, c'est un projet qui concerne l'exploration non destructive de 4 pyramides. Donc, il y a bien sûr celle de Khéops qu'on trouve sur le plateau de Gizeh, mais il y a aussi celle à côté qu'on appelle celle de Khéphren. On a deux autres pyramides à 40 km au sud du Caire, mm-hmm. donc à Dachour, c'est la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge. Mm-hmm. C'est sous la gouverne de l'administration égyptienne que tout se passe. Le projet comprend 3 grandes universités. Sans surprise, l'Université du Caire. J'espère quand même. Il y a l'Université de Nagoya au Japon et bien entendu l'Université Laval de Québec. Cette équipe-là, qui est internationale et multidisciplinaire, a utilisé les technologies les plus innovantes dans le domaine pour étudier l'intérieur des pyramides. En utilisant des méthodes qui se veulent non-invasives, les chercheurs vont s'assurer de pouvoir ainsi mieux comprendre les pyramides tout en les préservant. Donc, il n'y a aucune mm-hmm. destruction qui va arriver. C'est ça. On brise rien, on rentre pas dans la pyramide, on aucun sacrilège non plus. Exactement. Oui, exactement, c'est vrai. Et quand tu dis mieux comprendre les pyramides, cela sous-entend que ces pyramides sont encore bien mystérieuses. Mm-hmm. En fait, qu'est-ce qu'on sait de ces pyramides et peut-être qu'est-ce qu'on n'en sait pas aussi? En fait, on sait qu'ils vont qu'on les voit arriver à la troisième dynastie de l'Égypte. Donc, on parle de 2700 ans, 2600 ans avant notre ère. Donc, ça fait plus de 4000 ans qu'elles sont construites. Au départ, on a des pyramides à degrés. Et c'est là qu'on va déposer la sépulture des pharaons. La plupart du temps, les pharaons ont le temps de commander ou de demander leur, mm-hmm. Leur pyramide. Donc, ils peuvent voir à leur construction, mais aussi peut-être éventuellement faire des petites demandes spéciales. Ce qui va arriver, c'est qu'on va les perfectionner assez rapidement. D'ailleurs, on parle de la quatrième dynastie, donc c'est une centaine d'années à peine après leur début. Et c'est là qu'on va avoir les pyramides à surface lisse. Et donc, ils ne sont plus par étage. Donc, quand on parlait de pyramide à degrés, c'est qu'on a plusieurs mm-hmm. étages très donc, extérieurement, voyantes. Elles paraissent lisses. Il y en a qui paraissent comme avec des escaliers, là, ben, qui ne sont pas des escaliers, mais des... et d'autres qui paraissent lisses. Exactement. D'accord. Et c'est celle qu'on voit, en fait, c'est la plus reconnue là, de tout bord, tout côté du monde, mais c'est aussi la plus répandue en Égypte. Elles peuvent s'élever à plus de 140 mètres de hauteur, donc c'est quand même assez massif comme construction. Et lorsqu'on parle de pyramide, on parle aussi d'un complexe funéraire. Donc, il n'y a pas juste une construction, la pyramide en soi, il va y avoir d'autres petits bâtiments autour. En fait, on a la tombe du pharaon, donc la pyramide, mais toujours près, on va avoir aussi le temple funéraire du pharaon. C'est un endroit où on va célébrer le culte après sa mort. Et l'infrastructure de la pyramide va répondre très souvent à trois principes architecturaux. On a tout d'abord une orientation du couloir d'accès qui est vers les étoiles du Nord. Mm-hmm. Les étoiles du Nord sont associées au dieu Osiris et à son ascension vers le royaume céleste divin. Donc, une belle symbolique derrière ça. On va aussi, en deuxième temps, placer le caveau royal en dessous du monument, donc en dessous de la pyramide, ou bien en son centre, mm-hmm. à l'intérieur même et dans le milieu. En dessous, est-ce que tu sais si en dessous c'était quand même dans la pyramide elle-même ou en sous-sol? Dans le sous-sol, donc vraiment à creuser dans le roc. Ah, carrément. Et troisième principe, c'est qu'on veut s'assurer la protection du corps, du défunt, qui est inhumé avec tous ses biens les plus précieux. Et là, pour être un peu plus précise, le mobilier et le viatique, en fait, c'est ce qu'on donne pour des voyageurs, donc il y a aussi une petite symbolique, mm-hmm. Qui va accompagner compagnie Le Pharaon est entreposée dans des chambres qui sont connexes ou annexées au caveau royal. Et pour être certain que le mort, le défunt, puisse avoir accès à ces objets-là, ben on ne bloque pas ces passages-là. Donc, les couloirs sont toujours accessibles, mais on se doute que c'est pas très utile. Mais quand même, c'est pour dire que contrairement au principal couloir d'accès qui, lui, va être toujours barré pour s'assurer que personne puisse y avoir accès après la mort du pharaon. Mm-hmm. D'accord. Donc, mais il y avait donc toute une richesse donc autour du défunt. On ne sait pas trop de quelle façon il y a eu accès, mais ça a dû allumer quand même quelques convoitises. Oui. Est-ce qu'il y a eu des pillages dans l'Antiquité, puis même peut-être plus récemment? Par la suite, oui, certainement, mais c'est ce qui m'a surpris, c'est de voir qu'il y avait des pilleurs dès l'Antiquité, donc dès l'Égypte antique, déjà? Quelques années après la mort des pharaons. Il n'y avait pas de gardien? C'est sûr qu'il y avait des lois au niveau du gouvernement égyptien qui sanctionnaient ce genre de pillage-là, mais ça l'a jamais empêché personne, malheureusement, de vouloir ces richesses-là. On les retrouve dans tout moment de la grande histoire avec le grand H. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, les couloirs d'accès sont de plus en plus bloqués, souvent avec des herses, qui est un genre de gros bouchon qu'on met devant une allée qui a une porte. Mais les pilleurs sont toujours très habiles et on va changer les habitudes ou les méthodes plutôt de construction. Le caveau royal va devenir de plus en plus inaccessible, quitte même à modifier les grands principes d'architecture des pyramides. On va modifier l'accès à la chambre royale, certes, mais on va aussi créer d'autres corridors. Des fois, c'est des corridors qui mènent nulle part. C'est comme des leurres. Oui, exactement. On va aussi barrer certains passages. Des fois, il y a des passages, justement, qui mènent nulle part, mais qui ne sont pas barrés. On va dissimuler des accès, des portes, et on crée aussi des trappes cachées. On raconte même que l'égyptologue William Petrie, un égyptologue anglais du 19e siècle, qui explore l'Égypte au grand complet, arrive à la pyramide de Hawara et arrive devant une chambre funéraire du pharaon Amenat III, quasiment vide, avec quelques petits objets à peine, parce que des pilleurs avaient eu accès avant lui, malheureusement, à cette chambre-là, et probablement même qu'ils ont eu accès bien avant le 19e siècle. Donc, ça faisait vraiment des années, et William Petrie a remarqué qu'il y avait eu un trou qui avait été creusé à même le plafond, dans une roche qui était un peu plus molle, plus facile de creuser. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est que les tunnels qui ont été creusés pour avoir accès à ces richesses-là des pyramides sont souvent encore empruntés aujourd'hui lors des visites guidées. Ah oui? Ça permet peut-être de rendre les visites un peu plus intéressantes aussi, mais entre autres, on en retrouve à la pyramide de Sésostis III lorsqu'on la visite. Et les pillages vont se perpétuer avec l'arrivée des Européens qui arrivent en masse au 19e siècle avec l'égyptomanie. Oui. Et tout le monde s'arrache les vestiges archéologiques. D'ailleurs, on voit les données souvent dans les nouveaux musées qui, à cette époque-là, vont commencer à se constituer aussi. D'ailleurs, le roi Charles le Français X va acquérir plus de 4000 pièces qui va constituer le premier fonds des collections du musée du Louvre. Oui, hélas, un petit peu. Et pour en revenir aux chercheurs du projet Scan Pyramids, j'imagine qu'ils ne s'attendaient pas à trouver des trésors cachés puisque soit ils sont pillés, soit ils sont déjà dans des musées. Exact. Donc, est-ce qu'ils voulaient plutôt cartographier les espaces pour mieux comprendre la structure, le mode de construction? Oui, exactement, parce qu'en fait, ce qui nous étonne encore à ce jour, c'est le mode de construction de ces pyramides-là. Oui, la pyramide de Khéops, en fait, aurait pris 25 ans seulement à la construire et probablement moins d'années que ça. Donc, pour un 140 mètres d'hauteur. Ça paraît peu quand on regarde le temps nécessaire à la construction des pyramides, des cathédrales gothiques, par exemple. Exactement, ce qui prenait des centaines d'années. Oui. Et c'est vraiment tout un exploit lorsqu'on prend en considération aussi que la base de la pyramide de Khéops fait 5 hectares, donc c'est vraiment énorme. Et probablement, la masse entière, c'est 5 millions de tonnes. Donc, c'est énorme. Et en 89 de notre ère, il y a un calife arabe qui, lui, décide de piller la pyramide de Khéops et traverse de long en large la pyramide avant d'arriver dans le caveau royal de la sépulture et arrive devant un trou. Il n'y a plus rien, en fait. Et ça le fâche un peu, avec raison. Donc, il décide de démanteler la pyramide de Khéops, mais il va arrêter à peu près à 30 mètres de surface parce qu'il réalise que la tâche est beaucoup trop lourde pour rien et que ça paraît même pas lorsqu'on enlève 30 mètres de pierre. Et donc, la structure interne de la pyramide de Khéops est assez particulière. C'est sûr qu'avec toutes les explorations qui sont officiels et non officiels, donc les pillages et les recherches plus scientifiques, on se retrouve à avoir un plan qui diffère largement des autres pyramides. Il y a en fait plusieurs chambres secrètes. Donc, on sait pas trop qu'est-ce qui se cache derrière certains murs. Puis c'est sûr que des fois, on n'ose pas creuser, justement. On a une conscience scientifique. Et les chercheurs du projet Scan Pyramids, ben, ne sont pas des archéologues. Donc, justement, c'est des physiciens, des ingénieurs. Et l'exploration qu'ils veulent faire des pyramides va se faire par thermographie infrarouge et par radiographie par muon. Mm-hmm. Ils vont emporter des nouvelles informations que, oui, éventuellement, des archéologues et des égyptologues vont pouvoir utiliser, étudier, analyser. En fait, avec la thermographie, on espère pouvoir établir une carte thermale des pyramides pour voir les différences en densité. Et ces différences-là vont identifier des vides, tels qu'on a découvert la cavité en soi. Et avec la radiographie, ça va permettre de vérifier, mais surtout de visualiser la présence de ces nouvelles structures découvertes-là, ce qui va nous donner une meilleure idée de la fonction. D'où l'idée qu'on peut pas parler d'une salle à proprement parler avec la pyramide de Khéops, mais plutôt d'une quête. Pardon, d'une cavité, parce qu'on ne sait pas exactement à quoi pouvait servir. Mm-hmm. Et Scan Pyramids est donc un projet de très grande ampleur. Puis en plus, en parallèle à ces explorations-là, il y a une compagnie, Iconim, qui s'affaire à une campagne de photogrammétrie. C'est une technique qui consiste à prendre des mesures du paysage par la prise de photos. Mm-hmm. Et ils vont réussir à créer une carte en trois dimensions du plateau de Gizeh, donc avec toutes les constructions et pyramides. C'est une modélisation qui va être disponible au grand public. Pour essayer de reconstituer à quoi ça avait l'air jadis? Ben, en fait, présentement de vraiment avoir une idée des différences de largeur, vraiment là, c'est avoir une idée de la photogrammétrie. Et éventuellement, sur le site web de l'Institut HIP, donc Héritage, Innovation et Préservation, ça sera disponible. Et je pense que ça va être intéressant d'aller regarder ça. On va être curieux d'aller voir ça. Puis c'est sûr que les pyramides ont toujours quelque chose de fascinant. Alors, merci beaucoup, Marie-Claude, de nous avoir fait visiter cette pyramide un peu plus dans le détail et pour aller plus loin dans la participation de l'Université Laval au projet. Je vous annonce que nous recevrons le 14 décembre Xavier Maldag, qui est professeur au département de génie électrique et de génie informatique et qui participe au projet. Donc, on en saura plus sur la technographie, la technologie infrarouge dont tu parlais, qui a été utilisée pour découvrir cette cavité. Mais pour le moment, on fait une petite pause musicale sur CKRL au 89.1 et au retour, on part au musée.